Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Retro Gaming. Et cette fois-ci, je suis avec deux collaborateurs. On va parler des maths et du support physique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En ce moment, il y a des grosses suspicions sur les futures consoles qui vont nous empêcher d'avoir nos jeux en format physique, malgré qu'il y ait une rétrocompatibilité. Mais ça va pas être l'argument premier, je pense, de ces consoles du futur. Et nous, en tant que rétro gamer, on est un peu titillé dans notre estime. Salut à vous, Nico et Vianney. Comment vous allez? Mal. Forcément. Quand on me parle de des maths, je peux que aller mal. Et toi, Nico? Écoute, ça va, mais c'est vrai que la dématérialisation, ça commence à faire un petit peu peur, quoi, parce qu'on va entrer dans un nouveau monde qui est pas forcément bien, enfin pour moi, je pense pour nous trois, quoi, et pour beaucoup d'autres. Ouais. On aime bien avoir les choses en main, ouais. C'est ça. Bah, toute manière, on va développer nos sentiments à ce sujet, mais moi je pense qu'il faut peut-être commencer par l'histoire de cette conférence organisée par les futurs créateurs de ces consoles avec Microsoft et Sony, qui abordent en fait cette nouvelle génération avec des consoles super puissantes, avec des teraflops dans tous les sens, hein, mais surtout axé pour le téléchargement, le jeu en cloud gaming, des choses pas possibles qui vont révolutionner, c'est vrai, peut-être le jeu vidéo, mais quand t'es collectionneur, quand t'es rétro gamer, entendre parler de ça, tu te dis que les consoles c'est terminé dans le côté tradition des consoles où tu avais ton jeu, ta notice, ta boîte, tout ça. La notice elle est déjà cramée depuis longtemps. Hein. Mmh. Ouais. Mais par exemple, pas le prix, juste la notice, mais voilà, t'auras plus le plaisir de regarder ta bibliothèque avec tes jeux, quoi. Ouais. Ça peut paraître con pour certains, mais voir ça, c'est agréable. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est comme une belle collection de bouquins, t'es content, une belle collection de jeux. Ah ouais, quand même, tu te sens bien. Par exemple, toi, Nico, qui a commencé du rétro gaming il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu t'imagines un jour, par exemple, garder des jeux dans ta collection en imprimant des jaquettes, des jeux que tu as téléchargés? Non, parce que déjà, je suis pas très fan. Enfin, même quand je suis obligé, je le fais, j'imprime la jaquette, mais j'aime avoir le vrai. J'aime avoir la vraie jaquette, j'aime avoir le vrai CD. Mais là, la dématérialisation, je sais pas comment un rétro gamer dans 20-30 ans va se dire, regarde, je collectionne les jeux d'il y a 20 ans, mais qu'est-ce qu'il va proposer, en fait? Juste la console dans une vitrine? C'est pas possible. Comment tu vas pouvoir collectionner les choses? C'est pas possible. À part faire des petits posters, peut-être, j'en sais rien. C'est pour moi, SD. Ça paraît. Ouais, voilà, c'est ça. Ça paraît un peu inimaginable, mais on va tout droit dans ce mouvement-là et c'est dommage. Mais tu sais, enfin, la dématérialisation, ça existe depuis un petit moment. La Xbox a été peut-être une des premières consoles à proposer des consoles dématérialisées, parce que je me souviens que la 360, juste avant l'arrivée de la Xbox One, elle proposait une console déjà dématérialisée. Il y avait plus de possibilité de mettre de CD. Tu téléchargeais déjà directement le jeu dedans. Et One actuellement, elle le fait là. La One, elle le fait actuellement. Et bon. Full démat, il y avait eu la PSP Go qui, elle, de Sony, était full démat uniquement. C'est vrai. Et ça a été le plus gros flop, je crois. Ah oui, oh, cette console. Alors j'espère que ça va se reproduire, j'aimerais vraiment. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Ouais. J'aimerais que ça se reproduise. Mais c'est Ou alors, est-ce vrai. que la PSP Go était en avance sur son époque? Je sais Bah, pas. c'est ce que je voulais dire, c'est ça Ce qui me exactement. fait peur, justement, voilà. Ouais. Parce que elle est sortie quand? En 2011-2012, Oh! pas, Entre pas la la PSP et la PSP, PS mais Vita, ouais. ouais, la PS Vita, ouais, voilà, Entre c'est les deux, ça. ouais. Entre les deux. J'avais fait l'erreur de l'acheter. Ouais, bah. Je l'ai encore, hein, c'est une console de merde. Bah, Je tu l'ai encore. sais, tu dois pas être le seul, c'est-à-dire que tu sais, quand en général un produit sort comme un iPhone, t'as envie d'avoir forcément celui qui est le plus, on va dire, Non, juste évolué. console. Juste Juste la les jeux. console. Ne Ah, cherche d'accord. pas. Mais au final, tu savais pas, je veux dire, que les jeux auraient les mêmes capacités en démat ou en physique, ça t'aurait À apporté l'époque, j'étais quoi? ado, je me posais pas la question en Ah, fait. d'accord, ok. Ah, j'étais encore un petit. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a, y a, y a un truc aussi qu'on aborde, c'est le problème des jeux que tu vas télécharger et les jeux que tu vas acheter où il n'y a pas forcément peut-être les mêmes contenus. Parfois, quand tu vas télécharger un jeu, combien de fois sur des forums, il y a des gens ils te disent, mais le framerate il est différent du jeu complet que j'ai acheté en physique après. Je me souviens est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de GTA V sur la PS3 quand il est sorti? Les gens qui avaient téléchargé le Online? jeu, qui avaient téléchargé le jeu sans l'acheter en physique, il y Oui. avait de la framerate beaucoup plus faible que le jeu physique. Est-ce que vous souvenez de cette histoire-là? Vaguement, très vaguement, Vaguement, ouais. hein. Je m'en souviens pas trop, non. Et donc ils avaient révélé que le jeu en démat était moins complet. Et donc, si tu veux, il y avait une légère baisse de framerate par rapport au code du jeu physique. Et tu vois, c'est pas que tu as l'impression de pouvoir te faire avoir en prenant du démat, mais moi j'aurais pas confiance en fait en un produit qui ne serait pas final déjà à la base, en sachant que peut-être le jeu physique contient déjà beaucoup plus de choses, pas forcément énormément, mais déjà tu es censé avoir un jeu AAA terminé. Alors que en démat, est-ce qu'ils vont pas faire exprès de sortir des jeux à un tiers terminés que tu vas télécharger une mise à jour le lendemain pour que Ouais, mais t'aies. ça peut être Tu ça vois? maintenant, ouais. Ça va Ouais, être mais des moi, la question DLC que je me continuels. pose, Dans ce cas-là, c'est que vu le poids des jeux, et je pense que dans les futures générations, ce sera toujours aussi lourd, ceux qui n'ont pas forcément Internet dans les petites campagnes ou qui n'ont pas la fibre, ils feront comment? c'est sûr. Finalement, autant avoir un PC, ça revient au même. Ce n'est pas des vraies consoles. C'est des Ouais. ordinateurs orientés gaming. Ouais, voilà. Mais Mais avec moi, les c'est pas PC, c'est seul. exactement pareil depuis l'apparition de Steam, de toute façon. Ah, c'est ça. Steam, ça existe depuis 2008, peut-être un peu avant, parce que moi je suis un fan de Football Manager, donc je crois que c'était le premier erreur, enfin, le premier arrachage de cheveux que j'ai eu avec Steam, ça devait être 2008-2009, où déjà ils proposaient des jeux en démat, et le problème c'est que si tu téléchargeais pas Steam, tu ne pouvais pas jouer à ton jeu. Alors, C'est pas normal. début 2010, fin 2009, début 2010, bon, tout le monde avait à peu près Internet, mais c'était pas encore la fibre. Tout le monde n'avait pas la fibre, hein, c'était encore la fibre, c'était dans les grandes villes, hein, c'était plutôt là du 512, 1024K peut-être. Et tu mettais trois plombes à télécharger un jeu. Enfin, ça la foutait mal et tu te disais bon, il y a que le PC pour le moment qui est comme ça, bah c'est pas grave, je vais aller sur console et puis tu te rends compte que la console ça va être exactement pareil et il y a beaucoup beaucoup beaucoup de choses qui vont pas dans la dématérialisation et comme tu dis il y a les jeux des fois ils Trop peuvent pas lourd. forcément être complets, c'est trop lourd. Enfin je sais pas, quand tu joues à un GTA tu télécharges 50 gigas voire plus. Regarde comment ça s'appelle, Red Dead Redemption 2, il était à 100 gigas le jeu quand même, hein. Ouais, Non, c'est c'était n'importe 100 gigas, quoi. n'importe T'as quoi. le Et avant, temps il y avait de rien dans la, il passer. y avait rien dans le disque. Bah voilà, t'as un disque. En fait, t'avais deux disques. Un disque où t'avais l'installateur, enfin l'installation, et le deuxième disque où t'avais le jeu. Mais Pas c'est normal. totalement. Bah, c'est pas normal, quoi. Pas C'est normal. ridicule. Et puis même, parce qu'il n'y a pas que dans les grandes villes. Dans le sens où moi, personnellement, je suis à Paris, c'est une grande ville. Il n'y a pas la fibre, moi, dans ma partie du Ah 18e. d'accord. Ah oui, Et voilà. pourtant, c'est la capitale. Donc si la console la sort maintenant, clairement, je les achète pas. Ouais. C'est aussi net que ça. Ouais, ça va bloquer des gens par rapport à Même dans les l'achat. grandes villes, ouais. Leur imagine ailleurs. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est des consoles, je C'est une pense, perte. qui sont trop en avance sur leur temps. On essaye de nous imposer un produit. Si vous vous souvenez de l'époque de la Xbox One avant qu'elle sorte, Microsoft avait laissé entendre que la console serait 100% démat. Et ils sont revenus sur leur décision parce que la PS4 proposerait des jeux physiques. Et tu te vous vous souvenez de cette histoire aussi? Oui, ça, je m'en souviens de celle-là. Je m'en souviens, ouais, ouais. Et ça peut être un frein pour beaucoup de personnes de ne pas prendre la Xbox One. Hein. Ils auraient fait ça, Xbox One, c'est je pense ça, que hein. Xbox m'aurait enterré de toute façon. Hein. Ouais, c'est ça. Et Vianney, toi, t'as souvenir de ça, ouais? Moi, j'en ai pas souvenir, mais ce que je suis en train de me demander, c'est pour le marché de l'occasion, alors c'est mort. Bah ouais. C'est comme les bons plans, acheter ces jeux d'occasion. C'est ouais, pratique. Bah exactement. Mais il y en a qui peuvent pas acheter tout de suite un jeu, qui peuvent acheter que de l'occasion, quoi, aussi. Ouais. Mais tellement, en fait, vous savez... Ça va se faire crever les petites boutiques aussi, hein. Oui, bah ça, alors là, ça, on va en parler, c'est sûr. De toute façon, la mort des petites boutiques va amener à la dématérialisation, de toute façon. Regarde, la plupart des Micromania, moi, là où j'habite, hein, y a un Micromania qui a fermé, il existait depuis 2004, il a fermé récemment. Donc là, on se retrouve avec un Micromania, mais géré par des mecs qui sont pas du tout intéressants, qui n'ont pas la main. Voilà, c'est ça. Ouais. Eux, c'est plus, on te vend, t'as l'impression de les emmerder quand tu vas dans leur magasin. Et ouais, après, FNAC, le problème, c'est que... Bah voilà, mais après, voilà, il faut aller dans les petits... dans les supermarchés pour acheter un jeu vidéo. Donc là, on aura plus de contact. Par rapport à il y a 20 ans. C'est ça. On n'aura plus aucun contact là avec le vendeur, et puis ben, on va être obligé d'acheter en démat, et puis des fois tu vas avoir le jeu peut-être un tout petit peu moins cher qu'en magasin, mais on va se retrouver un petit peu comme avant quand tu n'avais pas internet. Tu vas voir un jeu, tu vas le regarder, tu vas te dire est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, tu vas essayer de... Ouais, c'est pas... Non, c'est pas c'était terrible, sympa, quoi. C'est que... Bon là il y a le confinement, mais encore quelques mois, moi j'avais pour habitude d'aller à République à Paris. Bah oui, et parfois je demandais, voilà, je voudrais un jeu sur NEC, là j'ai que 20 balles, qu'est-ce que tu me conseilles? Et je parlais avec le vendeur, parfois on parlait 3 heures comme ça, c'était agréable, et je repartais avec un jeu à 15-20 balles. Ouais. Et je l'aurais pas connu le jeu sans le vendeur, tu vois, c'est ce genre de contact humain agréable. Oui. Échange, parler, parler en face à face, parce que maintenant les gamins c'est tous au casque micro, ouais j'ai plein de copains, non. Non, ouais. C'est virtuel. Ouais, ouais. Mm. Ah, mais tellement ils ont élaboré leur projet, Microsoft, ils parlent carrément de faire des commissions en fait sur les reventes des jeux que vous avez téléchargés. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais ça a été plus ou moins annoncé par Microsoft, c'est-à-dire que les jeux démat que vous allez télécharger, vous pourrez les redistribuer à des connaissances suivant une commission que vous reverserez en fait, c'est-à-dire que personne fait peur encore. Voilà, il y aura des prix fixes pour ça les jeux d'occasion. Ça sent aussi le hacking là. Mais vous voyez ça. Vente de clés. Ouais, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le même système que a créé Electronic Arts avec le système FUT, les DLC de Capcom. Faire un Steam en fait quoi. Ouais, voilà, un Steam. Les DLC Capcom, etc. que vous pouvez reprendre à droite à gauche une fois que vous avez racheté le jeu à quelqu'un aussi. Enfin, c'est il y a plein de jeux aujourd'hui qui ont déjà ces avant-goûts du futur, en étant plus ou moins, il y a plus ou moins de succès, quoi, on va dire, quoi. Mais c'est pas encore les jeux complets. Mais quand il y aura les jeux complets, peut-être dans la prochaine génération. Mais faut se dire un truc aussi, les gars, c'est que peut-être nous, notre époque, c'est pas qu'elle est révolue, mais les jeunes d'aujourd'hui sont tellement habitués à télécharger des trucs à droite à gauche sans avoir le support physique avec eux, même sur leur téléphone portable, des jeux, les Angry Birds, etc. Même ça bouffe de la mémoire, tout ça. La console, elle aura combien de gigas parce que les jeux, au bout d'un moment. Il y a une grosse polémique. Il va être bloqué, le gamin. Attends, je vais attendre de 1 Tera, ça coûte combien? 500 balles chez Sony, 600 chez Microsoft. Écoutez, si vous voulez rigoler. Vous voulez rigoler ou pas? C'est que Sony. Écoutez bien. Sony a proposé la console avec un format. J'en avais parlé déjà avec des personnes. C'est que vous aurez plusieurs formats de console vendus. C'est-à-dire, on vous propose une console à 500€ déjà. Mais si vous voulez installer plus de 4 jeux, hein, 4-5 jeux sur votre console, il faudra racheter un nouveau disque dur de 1 Tera. Non, mais c'est fantastique, hein. C'est-à-dire que... Les consoles en DLC. Il y a plus de 300 gigas alloués au système et aux applications et je ne sais quoi. Donc en fait, vous achetez un disque dur, il y a déjà 300 gigas qui partent... Ouais, et puis attends, ça se trouve, ce sera des disques durs qui seront que gérés par Sony. Tu pourras pas acheter un disque dur dans le commerce, un Seagate ou un truc comme ça. Ouais. Tu seras obligé d'acheter un disque dur fabriqué par Sony, Donc tu vas payer beaucoup plus cher et qu'on n'aura pas forcément voilà, au tarif de Sony. Bah non, les gens vont exactement les mêmes particularités qu'un disque dur normal, Seagate, Les gens vont quitter les consoles, vont aller sur PC, c'est pas possible. Oui, voilà. C'est... Le porte-monnaie n'est pas extensible. Bon, après, le PC, c'est quoi hein, c'est la console du futur, presque. Ah bah, c'est, presque console, c'est déjà. T'as plus de magasins où tu achètes des. Par exemple, le dernier FIFA, t'achètes pas en. Il est pas physique, hein, il est que des maths, de toute façon. Voilà, et les dernières fois, c'est la Micromania, bah, ils te vendent que des tickets, des cartes Steam de 50 ou voire plus. Bah, c'est ça. Ah, on est d'accord. Le dernier jeu que j'ai acheté en boîte sur PC, c'est Diablo 2. Ça date, hein. Ah oui, quand même. C'est quoi, c'est le jeu de 98 non, mais Diablo 2, c'est à l'époque de Age of Empire, StarCraft Brood War. Voilà, ça a arrêté, je pense, 2012, je pense, la dématérialisation des... un petit peu plus. Peut-être 2014, parce que j'ai PES 2013 encore en physique. Ouais. Mais après, pour trouver vraiment des jeux actuels, c'est pas la peine. C'est tout du démat maintenant. C'est du démat. Et c'est dommage, ça perd sa charme. Des fois, t'avais des jaquettes. Voilà, ouais. Oui, les big box PC des années 90, magnifique. Hein. C'était énorme. Même les extensions, t'avais des grosses boîtes et tout avec des artbooks. Non. Non. Mais c'était beau, franchement. Ça aujourd'hui, tu le payes au prix fort. Hein. Tu veux un artbook, tu vas le payer cher. Ah, mais moi, j'ai jamais vendu de console ni de jeu, donc je garde tout. Là, si tu achètes un jeu complet PC en grosse boîte et trucs comme ça, t'en as pour 50, enfin, ça dépend du jeu. Minimum 50 euros pour avoir quelque chose de complet, quoi. Mais minimum 50 euros, c'est quand c'est le jeu n'est pas standard. Terrible. C'est le jeu standard, ça. Si tu veux la version collector, qu'on appelle collector, alors qu'à l'époque, années 90, c'était la version complète, avec la notice, la map du jeu complet. Là, aujourd'hui, vous voulez un Final Fantasy VII remake complet avec l'artbook et tout ça, c'est 90 euros minimum. Hein. C'est assez violent. J'ai la figurine à ce prix-là, non avec... Non, tu rêves. C'est 299 $ la version avec la figurine. Attention, hein. Ils te font payer une figurine en plastoc 200 euros. Hein. Je sais pas si t'imagines. Hein. C'est... Tu peux aller faire un tour sur le site si tu veux de chez Capcom. À la limite, moi, tu vois, si je veux me faire. Il y a Pigalle qui est à côté de chez moi, c'est moins cher. Voilà. Tu prendras plus de plaisir. C'est moins cher. Pas mon truc par derrière. Non, ouais. Mais bon, oui, bah là, écoute bien. Là, c'est. Non, mais c'est du de la base. Désolé. Non, mais c'est violent. Et moi, j'ai peut-être un peu cru, mais là, c'est du foutage de gueule. Non, mais moi, l'idée, en fait, que... Déjà, je vous annonce un truc. Hein. Enfin, je pense que vous le savez. C'est 200 gigas minimum les futurs jeux qui sont sur PS5. Hein. 200 gigas. Donc, comme je vous ai dit, hein, vous avez un disque dur de 1 Tera. Vous mettez 4 jeux, c'est fini. Hein, terminé. Hein. Et puis, pas de DLC, pas d'add-on. Hein, terminé. Mais voilà, moi, ce qui m'a interpellé... et qui m'a donné envie de faire ce podcast avec vous, c'est les inepties qu'on balance à droite à gauche avec des influenceurs, des pseudo-journalistes qui vous disent « Oui, mais le futur, c'est obligé qu'on y arrive parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, les producteurs, les créateurs de jeux vendent les jeux à perte. » Alors attendez bien. Vous construisez des DLC ou même des contenus bloqués dans les jeux, quand t'achètes un Street Fighter, faut payer les personnages après 5 euros pièce. C'est-à-dire que ça, je pense que ça va. Je pense que ça va, on est d'accord. Et déjà, premièrement, je pense pas que les producteurs et les distributeurs soient assez fous pour vendre des jeux à perte à des millions d'exemplaires. Non. Surtout quand ils te font des remakes qui coûtent pas grand chose et qui te leur vendent le prix d'un nouveau truc. C'est ça, Adam 9. En plus. Donc non, c'est bon, t'inquiète pas, ils sont bien financés. Et sachant en plus que le support aujourd'hui, c'est quoi? C'est le support CD ou limite des maths pour la moitié du jeu et les add-ons et je ne sais quoi. Comment tu peux dire aujourd'hui que la raison principale, c'est ça que j'ai entendu moi, la raison principale pour laquelle le futur c'est obligatoirement le démat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeux sont vendus à perte et à l'époque les jeux coûtaient beaucoup trop cher et on se rend pas compte à quel point aujourd'hui y a eu des sacrifices qui ont été faits pour les consommateurs. C'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'on te compare des jeux à l'époque, il coûtait peut-être 500 francs, mais Fabriqué en format cartouche, la production d'une cartouche coûte largement plus cher que de produire sur un CD, un jeu en usine. Et c'était un jeu complet hein, qui produisait en plus. Déjà. Et gravé un PCB, ouais. Écrire sur un PCB coûte beaucoup plus cher que graver un Blu-ray. Mmh. Oui, et vous avez des puces. J'ai regardé, j'ai voulu me faire une fois moi-même des cartes mods, j'ai regardé. Hein. Ouais. Ça coûte. Alors, c'est pas vraiment le PCB en lui-même qui coûte cher. C'est le matériel pour pouvoir écrire dessus. C'est ça. C'est, et ça. C'est très prise de tête niveau programmation. Alors que graver un Blu-ray, franchement, ça m'a coûté 30 balles. Oui. Je te le dis honnêtement, pour avoir le lecteur. Et puis, dans ce plaidoyer là pour le jeu, les jeux du futur, les consoles du futur, chez ces influenceurs, on entend dire que on va automatiquement en arriver là parce que c'est les consommateurs qui amènent à ça. Mais bah oui. Comment pas tous non plus. Voilà, mais je suis pas forcément c'est d'accord. Une généralité, puis ils donnent des choses comme une vérité absolue. Ouais. Ils cherchent pas à vérifier avant, à réfléchir un peu, non? Non, ils balancent ça comme ça. Regardez, alors non, justement, ils sont influenceurs pour influencer, justement. Ouais. Et ouais, c'est par définition. C'est vendu. C'est par définition. Et moi qui ai un fan de jeux de basket, le dernier NBA 2K20 qui est devenu une merde sans précédent, parce que je vous explique un truc, il y a moi le mode mon joueur, il est super. Vraiment, enfin, ouais. Les alentours, l'univers, il est super. Sauf que tu démarres avec un joueur très mauvais. Et le problème, c'est qu'ils ont bloqué les stats. Ça veut dire que si tu fais des bons matchs, avant, tu gagnais, allez, admettons, 2000 points. Là, maintenant, ouais. Ils te font gagner que 900 points par match. Mmh. Donc, déjà, ça te fait presque 1000 points, 1100 points en moins. Et donc, si tu veux avoir quelqu'un de bon, eh ben, il faut que tu payes. Et donc, il faut que tu, faut que tu achètes des 2K coins, ça s'appelle, pour pouvoir avoir un peu plus de points, pour avoir les 10 000 points. Et avec 10 000 points, tu vas pouvoir augmenter ton joueur. Sans ça, tu vas te faire 2-3 saisons où tu vas être complètement nul, où tes stats ne vont pas pouvoir débuter. Et ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Alors, j'ai été très con, j'étais un gros pigeon parce que j'étais obligé de me prendre un petit peu parce que j'adore ce jeu est très prenant, mais quand t'as un joueur de merde, bah t'y arrives pas, tu t'énerves, t'as envie d'abandonner. Mais ce jeu est tellement bien fait que bon bah finalement t'as envie de continuer. Mais pour avoir quelqu'un de bien, bah t'es obligé de payer. Donc tu payes 70€ ton jeu, et puis après bah tu vas rajouter, allez, ça dépend, parce qu'après il y a des sites qui les vendent beaucoup moins, donc tu peux payer 20€, mais ça dépend des nombres de pièces que tu prends. Hein. Tu peux avoir 40 000 pièces. Avec 40 000 pièces, tu te fais un sacré joueur, quoi. Ouais. Mais t'es obligé de mettre, allez, 20, 30, voire 40€. Donc ça te fait un jeu à 120€ si tu veux avoir quelque chose de complet, quoi. Et ça, c'est inadmissible. Et malheureusement. Ouais. On va tomber dans ce système-là. Tu vas peut-être pas payer le jeu tout de suite très cher, mais si tu veux avancer correctement dans ton histoire ou dans n'importe quel truc, eh ben, il va falloir que tu mettes la main à la poche pour pouvoir faire upgrader ton joueur. Et ça, c'est pas normal, ça, c'est honteux. Mais il y a plusieurs jeux comme ça qui ont fait gueuler. Il y a, même si j'adore les Assassin's Creed chez Ubisoft, bah oui, Ubisoft, boîte française, le dernier, il y a marqué version française, et la version française, il faut télécharger la langue française déjà le premier jour. Bon. Et tu regardes ce qu'il y a acheté dessus, des packs d'XP. Attends, tu payes ton jeu, tu payes aussi pour qu'on te le finisse. Je comprends pas. L'origine, il y a un temps d'installation en plus qui est mais immonde. L'origine, là, ça m'a dégoûté. Oui, le jeu est super bien, mais il est beau, français, mais c'est télécharger le pack français, je comprends pas. Tu télécharges le pack français, puis si tu veux avoir ton joueur qui avance correctement dans l'histoire, et ben faut que tu achètes. Pour avoir de l'XP, pour avoir des armes correctes, des trucs comme ça. Et c'est honteux, ça. Ah ouais, mais ça, tu vois. C'est comme. Je suis un gros joueur de Tekken. Les Tekken, avant, c'était très simple. Tu voulais un perso, bah, fallait finir le mode arcade avec tous les personnages du jeu. Et tu débloquais comme ça, tous les persos. Là, dans leur Tekken 7, ils m'ont vraiment énervé dans le sens où les nouveaux persos, tu les débloques pas. Il faut les payer 5€ ou 4,99€ l'unité. Ouais, ils sont chers en plus. Hein. Ouais. Mais même des persos qui sont présents dans le disque, c'est je suis allé jusqu'à vérifier avec mon lecteur sur mon Mac, qui sont présents dans le disque, mais bloqués tant que t'as pas payé. Comme Gun Ryu, qui était déjà dans Tekken 1, on pouvait le débloquer. Ah. Et ensuite, dans les autres Tekken, il était de base dans les persos jouables. Et encore, Tekken 1, pour le débloquer, tu finissais le jeu avec tous les persos, ça le débloquait. Mais là, faut payer pour l'avoir. Bah, c'est un petit peu comme certains jeux où t'es obligé d'acheter le Season Pass aussi. Il y a des jeux où tu peux acheter un. Voilà, c'est ça. Et t'es obligé d'acheter ça si tu veux avoir un jeu complet. C'est pas normal. Les WWE, c'est pareil. T'es obligé d'acheter ce genre de. Et encore, ils sont encore plus enculés parfois. Il y a certains jeux qui ont plusieurs saisons de passe différentes qui sortent plus tard. T'achètes le premier saison de passe pour être tranquille, un an plus tard, hop, nouveau saison de passe. Ouais, c'est quand même dingue. Hein. À la fin. Ouais, mais c'est. J'ai mangé ou pas ? Bah, c'est ça en fait. En connaissance de cause, hein, comme diraient certains avocats, faudrait que ça soit marqué derrière la boîte. Attention, le contenu n'est pas complet. Mais si tu veux jouer, tu fais comment ? Mais quand t'achètes ton jeu. T'es un gamer, tu veux y jouer ? Ouais, mais tu m'as. Une licence. Je me souviens, tu m'avais parlé aussi de la Wii U quand elle est sortie. Tu pouvais pas y jouer sans faire la mise à jour. Est-ce que c'est normal? T'achètes un produit, tu peux pas y jouer. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, la Wii U, c'est des consoles qui ont été facilement à l'époque piratables dès le jour de sortie. Hein. Je t'avouerais que c'est les deux consoles sur lesquelles j'ai acheté le moins de jeux et piraté le plus. Hein. Ouais. Mmh. Bah, rien qu'à voir le prix des jeux aujourd'hui sur la Wii, c'est vrai que t'as des jeux à 5€, tu sais pourquoi, hein, c'est que tout le monde a des disques durs chez soi avec tous les jeux à l'intérieur. Ça vaut plus rien. Le rétro gaming sur la Wii, c'est jackpot hein, pour le mec qui veut. Ah, c'est pas pareil que sur Neo Geo. Hein. Ah, bah voilà. Et voilà. Que 5 jeux sur Neo Geo, tu sais pourquoi. Ouais. Hein. Mais voilà, on y revient. Hein. Tu vois, ce débat là, qu'a eu cette personne, Julien Chiez, durant son live, qui m'a horripilé parce qu'il y a eu des inepties à droite à gauche. Il nous parle des jeux à l'époque en comparant le prix des jeux aujourd'hui, en disant que c'est une des raisons pour lesquelles voilà, il faut absolument c'est pas comparable. Il faut absolument que les constructeurs aujourd'hui vendent les jeux en démat parce que ça leur rapporte plus rien, les coûts de développement sont plus chers, etc. Mais à l'époque, tu sortais un jeu sur cartouche Neo Geo, mais le jeu était vendu 1500 francs, mais tu... Le développement de cette PCB énorme avec toutes les puces. Ah, c'était un jeu arcade pour console, clairement. Déjà. Et arcade à la maison. Mais on te parle en production, ça coûtait très cher. Peut-être pas forcément en programmation. Mais en production, par contre, oui. Plus cher. Et comment, je veux dire, on peut te comparer ces prix, c'est pas possible. On peut dire que ça s'équilibre. Parce qu'actuellement, c'est la programmation qui coûte cher, pas la production. Et à l'époque, c'était l'inverse. Donc ça s'équilibre finalement. Hein. Encore, à l'époque, qui achetait des jeux ? Et c'était surtout des jeunes ou des ados, pas beaucoup d'adultes. Maintenant, c'est toutes les générations. Donc, ils ont plus de clients qu'avant. Il faut arrêter de déconner. Oui. Et puis, je veux dire, regardez, par exemple, le prix de certains jeux. Le premier mois de sortie, à l'époque, toi, Vianney, tu connais bien aussi l'histoire parce que tu vas souvent sur République. Nico, si t'as connu les magasins d'occasion, le premier mois, quand le magasin sort en BHV, Virgin Megastore ou à la Fnac à l'époque, le jeu il est à plein pot, ok, mais 3-4 mois après, voire 6 mois après, le jeu il est à 50% moins cher ou il est d'occasion, pratiquement au même prix que le neuf. Par exemple, moi je repense à Star Fox sur la Super NES, quand il est sorti, bah écoutez une petite somme, mais tu revenais 6 mois après. Il coûtait 250 francs en boutique, en magasin, en neuf, voilà. Et c'était une question... Même, si on venait une semaine ou deux après, t'avais peut-être parfois de la chance qu'un mec l'ait vendu. Hein. Oui, aussi. Tu trouves en occasion. Voilà. Il y a plein de jeux comme ça. Donkey Kong et tout. Pour moi, le prix de départ d'un jeu que tu mets en magasin, c'est pas une excuse, je veux dire, pour justifier le fait que les développeurs sont obligés de faire du démat aujourd'hui. C'est pas non plus... je veux dire, même Micromania aujourd'hui, comment tu expliques que Micromania... 3-4 mois après la sortie d'un jeu, te le foutent en prix, je sais plus comment ils appellent ça, là, les prix je sais pas quoi, là, du printemps, là, les jeux... Non, mais ils ont inventé un terme, je sais plus. Mais si tu veux, le jeu que tu as acheté, par exemple, un FIFA qui sort à 70 boules à la sortie, bah 6 mois après, arrivé au mois de mars, bah, il est à combien ? Bah, le jeu, il est à 39€, voire 29 parfois au mois d'avril, je sais pas. Et le jeu perd énormément de valeur d'un coup. Comment il pourrait se permettre ça s'il vendait à perte ? Moi, c'est la question que je pose. Simplement parce qu'ils vendent pas à perte. Bah voilà, simplement, c'est voilà de fait. Ils vendent pas à dire le contraire. Donc tout le monde s'y retrouve dans cette histoire. Ils veulent gagner de l'argent, ils veulent toujours plus. Donc forcément, quand des maths, ils vont gagner plus. Ouais. Mais qu'ils disent pas que c'est parce qu'ils vendent à perte, qu'ils disent qu'ils soient honnêtes, qu'ils disent juste on veut se faire du fric et point barre. Il y a aucune passion. Mmh. C'est juste voilà. On va amasser point barre. Ouais, voilà. Jeux vidéo, on s'en fout. On aurait pu faire autre chose. Ouais, aussi. Mais c'est ça. Ils auraient pu faire de la 3D dans des films d'animation ou autre. Ah oui. Ou de la physique. Mais ils ont choisi de faire jeux vidéo parce que ça apporte quand même bien. Ah, c'est évident. Bah, bien sûr qu'après, le marché du DLC, etc., ça a apporté encore plus un bonus pour les boîtes de production, etc. Mais après. niveau DLC, il y a une différence entre DLC abusif et extension. Oui. Ce que j'entends par DLC abusif, c'est-à-dire que le truc, il est déjà dans la galette, et il faut payer pour le débloquer. Voilà, alors qu'une extension, c'est un truc qui n'était pas prévu. Il y a eu un travail de fait supplémentaire qui vraiment va donner une grosse durée de jeu, de vie au jeu supplémentaire. Et là, dans ce cas-là, c'est une extension pour moi. Et c'est justifié. Comme GTA 1. Voilà, enfin bon, c'est... Oui, moi voilà. Je l'ai très loin dans le temps, mais GTA 1, donc il y a eu une extension avec GTA London. Oui, voilà, ça c'était une extension. Après, les DLC, ouais, pour moi, c'est tous les... j'ai même pas de jeu qui vient, parce qu'il y en a tellement qui viennent des DLC. Bon, les Assassin's Creed, Assassin's Creed, ouais. Voilà, là, je me souviens, c'était le Unity, bah, tu pouvais télécharger un truc spécial avec des rois et trucs comme ça. C'était un DLC qu'il y avait eu juste après, voilà. Mm. Et ça, c'était déjà prévu dans le jeu, t'avais juste à y débloquer un tout petit peu plus tard, quoi, mais en achetant. Mm. Oh, on est d'accord. Mais par exemple, vous, dans vos collections de rétro gaming, est-ce qu'il y a des jeux que vous n'auriez pas acheté s'ils avaient été en format démat? Vous voyez ce que je veux dire? Faudrait peut-être voir le problème inverse. Ouf. Aussi. Est-ce qu'on est amené... Il existe en démat, hein, ça ouais. S'appelle l'émulation. Hein. Voilà, oui, voilà. Mais est-ce qu'on est amené à acheter un jeu parce qu'il est en support physique et que la boîte nous plaît, le packaging nous plaît, ou parce qu'on a, plus intérêt à acheter le jeu parce que le jeu est bon? Perso, je préfère acheter vraiment le jeu en lui-même. Je vais reparler de la Mega Drive. Ouais. Un jeu que j'adore, que je n'ai pas arrêté d'en parler, c'était Street of Rage. Que tu pouvais l'acheter en jeu, une cartouche avec 4 jeux. Donc si tu veux, c'était un peu de la dématérialisation entre guillemets, c'était 4 jeux en un sur une cartouche. Et déjà là, tu te faisais enfler parce qu'il te manquait des stages, bah, des stages quoi. Enfin, ça s'appelle pas des stages, mais des niveaux. Des niveaux, voilà, exactement. Ça déjà, quand t'achetais cette espèce de cartouche, ça te manquait des niveaux que t'avais pas. Que tu avais dans le jeu original, quoi. Et moi, je préfère avoir le jeu en vrai, que je puisse le toucher, que je puisse avoir la notice, voilà. Que je puisse même avoir la pub de l'époque. Ça rajoute encore un peu plus de au truc. Voilà, avec le poster, avec le, je sais pas, la pub des années 90. Là, appelez Maître Sega. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien perso. Hein. Avec la vraie jaquette, avec la vraie jaquette et puis la vraie boîte, quoi. C'est ça pour moi, c'est un saint graal. Après que, voilà, tu te dis je l'ai, mais ça m'intéresse pas d'avoir les disquettes à 4 jeux. Ça perd complètement le charme. Ouais, ça perd complètement. Jouer. Du coup, c'est le ça. Jeu, tu te dis, si je suis bloqué, c'est pas grave, il y en a 4 autres. Bah ouais, mais bon, le problème en plus, jeu, c'est avant, quand t'étais bloqué, tu le finissais quand même. Hein. Exactement. Et puis si il te sucre de niveau, ben quel est l'intérêt aussi, quoi. Ah, t'as pas le jeu complet, quoi. Tu voilà, c'est ça. Et est-ce que dans ta collection, toi, Nico, il y a certains jeux que t'as acheté que pour le packaging? Après je suis pas, alors moi je suis collectionneur de jeux. Après le packaging 80% pour le packaging, je veux dire, en sachant que le jeu était pas bon. Ouais, non, j'essaye quand même de prendre des jeux que moi j'ai aimé. Après si c'est un jeu que j'aime pas, je prends pas de toute façon. Ouais. Donc le packaging peut être mauvais, il peut être super, je le prendrai pas. Ouais. À moins qu'il y ait vraiment une jaquette exceptionnelle, qui soit très très belle, mais j'achète pas sinon, non, ça m'intéresse pas. Et toi, Vianney? Juste pour le packaging, non. Ouais, je suis le seul. Vas-y, je te... Si je peux acheter en boîte, j'achète en boîte. S'il y a pas la... Si c'est trop cher, oui. Je vais acheter sa boîte et faire moi-même la boîte. Ouais. Et si genre comme un Super Metroid où c'est du 400 balles parfois, ou même 200 euros juste la cartouche, ouais. Là je vais me faire, je le dis honnêtement, un carte mode sur AliExpress à ce prix-là. Ouais. Carrément, 500 euros quand même, faut peut-être pas non plus déconner. Ah oui, bah oui, il y a le prix qui rentre en compte, on est d'accord. Hein. Nico, je te dis pareil pour Nico, hein, je te dis pas d'acheter un jeu à 80 boules et d'acheter juste pour la jaquette, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Tu peux acheter Sensible Soccer parce que ils ont réussi à faire une belle jaquette, mais malheureusement ils ont pas réussi. Mais Voilà, moi par exemple, moi je suis un cas à part par rapport à vous, c'est-à-dire que moi je l'avoue, j'ai acheté des jeux en version asiat que j'avais déjà en version PAL parce que j'adorais la jaquette, c'est-à-dire que j'avais déjà le jeu en version PAL, mais par exemple, moi je pense au Super Star Wars sur Super Famicom, l'Empire contre-attaque, etc. Je suis vraiment fan des artworks. Bien sûr, les jeux, je les ai pas payés, on va dire, allez, plus de 25-30 € maximum, hein, voilà. Mais Ça va. en sachant que j'avais déjà le jeu, ça m'est arrivé. Mega Drive pareil, c'est-à-dire que pour Alien Storm, j'ai les versions européennes et je suis fan des jaquettes asiatiques, hein, comme toi, Vianney, Ah ouais. je sais, pour... Moi aussi, Ah, hein, pour c'est vrai que certains j'en jeux, ai pas ça, mal. oui. Mais des Et... jeux dans différentes versions, oui, moi les DBZ, je cherche pas. Hein. Ouais. Les Et... jeux sont pas tellement terribles, mais les jaquettes, waouh. Ouais, voilà. Mais tu vois, ça, c'est un truc. Voilà, j'en reviens à ça. Je pense que vous avez compris. C'est que aujourd'hui, un jeu des maths, je vais pas l'acheter parce que y a un beau fond d'écran ou je ne sais quoi. Et j'aurai pas ce que je voudrais à la C'est ça. base. Je vais le Tu auras un prendre. t-shirt Non, Fortnite. et je l'aurai que. Non, mais je vais l'acheter que parce que le jeu est bon, c'est tout. S'il est mauvais, je vais même pas essayer de comprendre Ah oui. le fond du problème, sachant Mais je qu'il n'y a comprends. rien Il n'y d'autre. aura aucune autre motivation derrière pour avoir le Rien jeu. d'autre. Et pour C'est à double moi. tranchant pour les développeurs. Voilà, et pour moi, comme on en a parlé avec plusieurs rétro gamers collectionneurs ou pas collectionneurs, hein, des gens très objectifs, pas forcément dans leur collection, mais l'univers que tu as autour d'un jeu, parfois tu as besoin de dépasser, je veux L'objet. dire, l'objet et d'être dans un monde quand tu joues à un jeu. Quand tu joues à un Zelda, par exemple, bah, combien de Oh, gens ont acheté les éditions collector avec. mais Awakening, Voilà. tout le monde a sauté dessus. Voilà. Une chasse à l'homme qu'on a fait avec ma fiancée au téléphone pour en avoir un chèque en collector. Attends, une chasse à l'homme. On avait torché le jeu sur Game Boy étant môme, on l'a retorché à plus de 30 ans, tu vois. Et puis, Obligé. mais obligé, voilà, je veux dire, on t'enlève une part en fait de ton imagination, je trouve, en t'imposant le démat. Et moi, c'est ça qui me dérange. Alors, non seulement ça va être, la console du futur va être équivalent à un PC aujourd'hui, c'est-à-dire que tu auras le Donc je format. vois pas l'intérêt de la console. Voilà, il y a Une pour. mini C'est tour, ça, ça va c'est être une ça. mini tour C'est quoi. une mini Quand tu tour. regardes la Xbox, la future Xbox, c'est un petit Microsoft, hein, une petite tour Ah ouais, Microsoft, mais inintéressant le machin, c'est, quoi. c'est, c'est, ça Inintéressant. sert à rien, franchement. C'est pas une console. On a déjà un ordinateur, tout le monde a un ordinateur à la maison. Voilà. Bon, bah, J'ai vu tout le monde a déjà la PS5, ça va. J'ai vu des gens sur Twitter Non, mais mettre. c'est ça, basiquement. Ouais, il y a des gens qui ont carrément mis que c'était un plug anal dans tous les sens du C'est terme. pas... Ah, c'est pas mal, ça! Pas mal, ouais. Non, Ouais, mais j'aime ça a la bien. forme d'un cube longiligne, là, je ne sais quoi. Ils Mais. doivent la vaseline avec, j'espère, parce Ouais, que. voilà, c'est ça. En ce Mais. moment, je peux piocher, hein, ça marche aussi. Je trouve que vous voyez, quand des influenceurs ou des journalistes de jeux vidéo, de la presse spécialisée te parlent des Ils futurs veulent cons. encourager les gens dans ce sens, forcément. Voilà, te parle des futures consoles, pour moi, ce n'est pas une Ouais. console. C'est comme quand Non. à l'époque, on a eu des tours Media Center, là. Vous savez qu'on achetait. Ah oui. Ils ont voulu Oh. nous vendre des boîtes de disques durs, là, à la place de nos lecteurs Blu-ray ou DVD, pour mettre dans notre C'est salon. horrible. Ça n'a pas marché, forcément. Ah non, les gens aiment bien avoir. Hein. Ouais, Mais d'ailleurs, bizarrement, on parle beaucoup de démat, mais dans la musique, on peut comparer ça, vu que Oui, moi je c'est vrai. considère le jeu vidéo comme une œuvre. Et par exemple, beaucoup de jeunes maintenant se mettent à acheter aussi des vinyles, Et oui, même ceux qui n'ont pas connu ça. Moi, j'ai une ouais. collection de vinyles chez moi, parce que j'ai connu ça, mais il y a plein de jeunes qui n'ont pas connu le vinyle qui en achètent. Ouais. Alors pourquoi ils n'achèteraient pas un jeu vidéo en boîte, en fait? Ouais. Puisque leur disque il est en boîte. Ouais. Tu vois? Ouais. Je comprends pas. Alors que moi, le jeu vidéo, pour moi, c'est une œuvre, mais c'est pas juste le jeu qui fait partie de l'œuvre. C'est également le packaging, la notice, tout ce qui va avec. Avant, on avait des Mais. beaux artworks faits que Ouais. pour la notice, sublime. Puis tout vrai, l'odeur du papier, enfin, tu vois, ces petits trucs qui, pour moi, avaient un charme. Quand j'ouvrais la boîte, j'étais tout content. Mais voilà, c'est Bien. ça le problème, c'est que peut-être la génération actuelle ne demande plus forcément ça, seulement à petite échelle. Et comment dire, les créateurs de contenu, bah, ils se disent finalement, on ne nous demande pas forcément d'avoir plus autre chose que le jeu parfois, et après de distribuer des gros bouquins, des gros artworks à droite à gauche, on fera ça en plus, ils se disent. Et finalement, peut-être que c'est peut-être là qu'a raison en fait certains influenceurs, qu'ont raison certains influenceurs en faisant comment dire, la connexion avec ce phénomène de consommateur qui ne demande pas plus, qui revendique pas plus. Et c'est peut-être à cause de ça. Mais moi, je Oui, trouve mais que si on lui donnait est-ce qu'il plus, est-ce demande, qu'il il demande demanderait pas pas plus? plus? Voilà. Pour l'instant, voilà. C'est tout un phénomène de mode aussi. Pour l'instant, ils ne demandent pas plus que du démat. Mais pendant combien de temps ils vont demander plus? Oui, voilà, c'est ça. Tu sais pas si au bout d'un moment ils vont pas finalement trouver ça dommage de plus posséder les objets, de plus avoir le plaisir d'ouvrir un paquet cadeau et hop, t'as le machin, ou d'avoir dans les mains, ou de regarder ta collection. Voilà, ce qu'ils ont comme plaisir, certains même avec leurs figurines, ils vont plus l'avoir pour leur jeu. Tu vois? Ouais, ouais. Je sais pas. Je pense c'est... plus à un phénomène de mode, mais passagère. Mais alors, est-ce que vous pensez pas aussi que le futur jeu, ça va se jouer qu'en mode coop? Enfin, il y aura plus de mode histoire à jouer seul. Ah, moi, le jour où ils mettent un mode coop dans un Zelda, je tue Link. Bah, voilà, mais ça sera pas un Zelda. Comme ils pensent à tout faire des maths, à avoir une connexion, et ils vont forcément. Il y a bien des jeux comme les jeux Star Wars. Il y a bien un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, enfin, il y a 2-3 ans, voire plus. Ou c'était plus un mode à jouer à plusieurs. Ouais. Oh, j'ai jamais été écœuré. Ouais, c'était Battlefront, ouais. Battlefront. Ouais. Est-ce que c'est finir pas arriver sur des jeux comme ça, quoi, où t'auras plus du tout de mode histoire et que le joueur qui a envie de jouer seul va être complètement mis de côté, quoi. Ah oui, bah déjà dans les jeux de sport, c'est un peu la même chose. Hein. On fait tout pour le online. Cool. Pour te faire acheter des cartes à droite à gauche. Et parce que le online, tu payes ta connexion internet, mais tu la payes aussi par console. Ah oui, en plus, c'est ça. C'est pas partagé. Un jour, tu verras, ils arriveront à te faire payer internet alors pour Google, tu en payeras un autre pour Facebook, un autre pour YouTube, un autre pour machin. C'est le même principe. Ouais, j'exagère un peu, mais voilà, en gros, je vois, moi, je suis un joueur d'un petit, je joue un petit peu sur tous les supports, je suis pas que rétro gamer. Je paye ma Freebox, je paye internet sur la Switch, sur la Xbox One et sur la PS4. Voilà. Donc je paye mon internet 4 fois. Donc je me fais 4 fois enculé, tu vois, ça fait mal pour un hétéro. Ah ouais, ouais, quand même. J'ai rien contre les autres, mais voilà, moi ça fait mal. Ah, c'est dingue, hein. Celle-là je la connaissais pas. Ouais, c'est pas papa maman qui vont me donner l'argent à la fin du mois. Hein. C'est va bosser fainéant. C'est ça. Ah, c'est quand même incroyable, quoi. Mais voilà, moi ce qui m'avait vraiment dérangé, hein, c'était le travail que les journalistes ont aujourd'hui, c'est plus d'informer le public et pas forcément de se faire les... Ah non, là, c'est de la communication. Voilà, moi, je pense qu'ils ont des arrangements. C'est évident, c'est évident. Ils et te vendent le produit en t'influençant les gens à l'acheter, clairement. Mais vous vous rendez compte que quand même, ces gens-là, ils font des lives, des vidéos sur YouTube qui durent une heure. Ils te font de la jeunes. Com pour Microsoft ou Sony. Jeunes, mais tu verras que les trentenaires les écoutent pas tant que ça. Hein. Ouais. Non, il y a que les gamins, mais franchement. Les 25 ans qui vont aller écouter à la rigueur, mais rarement plus. Rarement plus. Parce que mentir, je veux dire, sur notre génération que nous on a connue, en sachant qu'il y avait le même principe de réduction des jeux à la sortie et en occasion après, etc. En plus, là, ils veulent tuer le marché de l'occasion avec leur système de démat. C'est encore pire. Bon. Même le pouvoir d'achat, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a des gens qui peuvent pas acheter un jeu neuf, en fait. Parce que ils c'est ça. Mais regardez, on a oublié de parler de ça. C'est que aujourd'hui, Carrefour sacrifie des prix en magasin autour de 50€ pour des jeux de lancement, au lancement du jeu. Carrefour est moins cher que Micromania. Hein, voilà, en produit d'appel. Mmh. Et par contre, voilà, en démat, il y aura pas de prix. Hein, ça va être 70€ minimum le jeu. Il y aura 30€ de marge, hein, facile pour Sony. La console, le disque dur, les trois jeux, redisque dur, retrois jeux. Enfin, tu vois, financièrement, personne pourrait. Voilà. Et même moi, en travaillant, je pourrais pas. Mais comment cet argument de dire que les jeux à l'époque étaient plus chers et qu'aujourd'hui on est chanceux d'avoir ça? Transforme le franc en euros, ils ont mal converti à mon avis. Hein. C'est complètement très équivalent. C'est très équivalent. Et puis j'ai coûté 400-500 francs. Ouais. Maintenant 70€, je trouve même qu'il coûte encore un tout petit peu plus cher actuellement. Très peu un peu plus cher actuellement. Donc, non, c'était pas plus cher, c'était moins cher. Et puis surtout que nous qui avons connu les boutiques indées, hein, dans les grandes métropoles, dans les grandes villes françaises, Paris. J'ai acheté un jeu offert, hein, avec le tampon. Et quand on a acheté ces jeux, ils coûtaient pas forcément le même prix que dans les grosses boutiques comme le BHV ou Micromania de l'époque, qui indépendantes qui vendaient leurs jeux à moins de 400 francs. Il y avait 80 francs de marge de différence avec la Fnac et le BHV quand même, hein, qui foutaient les jeux à presque 500 francs. Voire les NBA Jam, 549 francs. Moi, ça m'a. Oh là là, ces jeux-là. Il faisait mal, ça, ouais. Il faisait très mal, les jeux Eclaim. Mais c'était bon. Ils étaient bons par contre. Oui, mais est-ce que ça justifie que tu mettes le jeu 100 francs plus cher qu'un jeu normal? Quand même pas 100 francs, quand même pas 100 francs. À l'époque, 15 euros de plus. Alors aujourd'hui, on dit 15 euros de plus, ouais, 15 euros c'est rien, c'est des billets de Monopoly, 15 euros pour les gens d'aujourd'hui. Même ça, ouais, c'est comme si je disais aux gens, avant, pour 100 francs, t'avais un caddie plein quand tu faisais tes courses. Maintenant, pour 100 euros, t'as quoi? Un panier? Et encore, je suis pas sûr. Hein. T'as deux salades au démo. Ils peuvent pas t'as comparer. T'as un fond de caddie avec 100 euros. Hein. Ah, c'est ça. T'avais 5 francs, t'as acheté plein de bonbecs à la boulangerie, t'as 5 c'est balles, ça. T'as un pain au chocolat, et encore. C'est ça. Bon, ouais. Ils peuvent pas comparer parce que la valeur en elle-même n'est plus la même de toute façon. Ouais, mais et est-ce que par exemple vous imaginez acheter des jeux pour plus de 70 euros en fait sur la console déjà, sachant que le jeu de base. Je te dis honnêtement, je vais pas mentir, je hackerai. Ouais. Et comme je l'ai fait sur certaines consoles parce que je trouvais que c'était trop cher. Ouais, moi ça va être pareil. J'ai fait la connerie avec NBA 2K de vouloir upgrader mon joueur et je m'en suis voulu après. J'ai dit putain, en fait mon jeu je l'ai payé 120 euros. Mais j'ai dit ça vaut pas les 120 euros et payer 70 boules. Des fois, bah je dis tant pis, j'attends. Mmh. J'attends ou alors je vais sur. Parce que comme je suis un joueur de PC, je vais sur Instant Gaming. Ouais. Les jeux ils sont un tout petit peu moins chers. Ça fait un peu comme le Auchan de. Ça fait un peu comme Auchan et Micromania quoi. C'est. Instant Gaming, c'est le Auchan, ils le vendent 20 euros de moins à peu près à la sortie. Mais même des fois, je trouve que c'est trop cher, quoi. 50 euros pour un jeu qui les vaut pas. Je préfère attendre et puis j'attendrai que ça baisse. Ouais. Que ça baisse. Mais petit à petit, ça va peut-être me dégoûter aussi de des consoles nouvelles. Hein. Ouais. Je vais peut-être repasser que sur vieilles consoles. Hein. Il y a tellement de bons jeux à refaire que. Oh, même à découvrir. J'en découvre encore. Hein. Voilà, oui, bah, c'est sûr. Hein, Mais donc on est d'accord que si on fait un petit sondage, je suis sûr, hein, parmi plein de gens, eh ben, on va se rendre compte que les gens vont moins acheter du coup les jeux sur console, vont les prendre sur PC, et finalement, de fil en aiguille avec la chaîne, automatiquement à un moment donné, les gens vont acheter moins de consoles, et vont se retrouver avec aussi peut-être moins de jeux sur leur console, et ça va faire tomber le marché peut-être, et si ça se trouve... Eh ben, ça va mettre en péril certaines compagnies, peut-être, qui pensaient vraiment tout miser sur le démat, comme Sony a misé tout sur le démat avec la PSP Go et je ne sais quoi, là. Je ne sais pas s'ils se posent les bonnes questions, Sony et Microsoft, en fait, pour le futur. C'est un pari risqué, quand même. Hein. Est-ce qu'ils apprennent de leurs erreurs ? C'est ça, le problème ? Je n'ai pas l'impression. Non, ça a du mal à rentrer, je pense. Ça a du mal à rentrer, ouais, parce que... quand Sony par contre, ils nous la rentrent bien, ouais, mais quand tu vois que Sony a fait des erreurs avec des consoles portables, que Microsoft a voulu imposer une console démat qui a été vite abandonnée, dans le futur, moi ce que je vois c'est que ils vont se tirer une balle dans le pied, les deux constructeurs. Alors là on nous dit ça va être super, il y aura des superbes jeux. Ça va être bien pour eux. Mais je pense qu'au début ils vont vendre effectivement, puis après les gens vont se lasser de pas avoir. Mais il y a même pas. Vas-y. Le fait qu'ils ne pourront plus te vendre une version, tu vois, entre guillemets, réellement collector, ça sera finalement le jeu avec des DLC. Il n'y aura pas l'attrait comme, je sais pas, quand ils ont sorti l'énorme casque de Scorpion pour dernier Mortal Kombat à 120 boules, avec le jeu et tout, artbook. Plein de gens sont rués dessus pour l'acheter, parce qu'il y avait quand même un truc sympa à la clé. Mais est-ce que les gens seront prêts à faire la même chose tous les mois pour juste du démat? Non, je pense pas. Ouais. Les parents, ils voudront pas. Hein. Non, c'est pas raisonnable. Je pense que Sony, ni Microsoft, ni Sony n'a retenu forcément les leçons. Et on va en arriver à un point où les joueurs délaisseront le format console parce que le seul truc qui peut les sauver, Sony et Microsoft, ben, c'est les exclusivités. C'est les exclusivités. Et s'il n'y a pas d'exclus sur leur console, eh ben, ils vont disparaître. Les exclus sont temporaires, surtout, les exclus. Des exclus, il y en a plus beaucoup. Hein. Et à votre avis... Tekken, il sort maintenant sur les autres supports aussi. Regarde, Vianney, la seule raison pour laquelle... Faut pas être idiot, en fait. Faut toujours essayer de décrypter les annonces qui sont les deux consoles. Quand t'achetais une Mega Drive, c'était pour jouer à Sonic. Quand t'achetais une Super NES, tu voulais du Mario. C'est ça. Voilà. Tu voulais jouer aux deux, t'achetais les deux. mais ce que je veux dire, tu vois, quand on t'annonce à la conférence avant l'E3 que les exclus, il y en aura pas pendant 2 ans, la seule raison, les gars, c'est parce qu'ils veulent concurrencer le monde du PC. S'ils n'arrivent pas à concurrencer et se partager les exclus, ils vont s'entretuer et se couler eux-mêmes. Parce que le PC automatiquement va avoir les mêmes jeux avec la même puissance pratiquement, parce que les gens qui ont des cartes graphiques aujourd'hui qui jouent sur PC, ils ont des cartes graphiques équivalentes à ce que fait la PS5 dans le futur, pratiquement oui, déjà. Oui, puis un PC c'est évolutif, mais bon après ça coûte cher par contre. Ça les arrête pas, les joueurs PC, ça les arrête pas. J'en connais plein, ça les arrête pas du tout. Donc pour moi, enfin après... Et toi Nico, t'en penses quoi? Ouais, c'est pareil. Mais tu sais, hein, maintenant, sur ton PC à Microsoft, hein, tu peux télécharger l'application Xbox et tu joues au jeu Xbox. Hein. Ah, il y a une application façon, pour, Je sais pas combien, c'était... Ouais, voilà, c'est sur... Même pour parallèle déco avec un Windows installé, tu sais, pour les jeux PC. Voilà, je m'en rappelle plus pour combien d'euros par mois tu peux jouer... tu peux avoir une Xbox One sur ton PC, quoi. Tout simplement, tu joues au jeu Xbox, même quoi. Sans payer, t'inquiète pas. Ouais, même sans payer. Moi, je passe à la version... version normale, mais c'est vrai que sans payer, tu peux le faire aussi. Mais non, mais je sais pas, ça devient du grand n'importe quoi, et ça se trouve, on va tomber, je dis pas dans un crack comme il y a eu dans les années 80 du jeu vidéo, mais on est pas loin, on va tomber vraiment, je pense, dans les bas-fonds du jeu vidéo, qu'on a connu, le sommet, la période d'or, et là, on est en train de sombrer petit à petit dans de la merde, quoi, il n'y a pas d'autre mot, hein, de toute façon, on y est déjà dedans un petit peu là, et on va enfoncer la tête petit à petit, on va toucher le fond dans peu de temps, parce que là ils pensent plus aux joueurs maintenant, ils pensent aux sous, mais ça c'est une globalité mondiale, hein. On pense d'abord aux sous, puis on pense aux personnes après quoi, ouais. Et ils vont perdre beaucoup de clients de toute façon. Une question toute conne, tous les deux actuellement, vous jouez plus souvent votre PS4 ou une console rétro? Ah, une console rétro, c'est sûr. Moi, c'est sur PES6, mais je suis sur PS3 et je suis un peu sur la Game Boy aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est pas du tout. Moi, l'Xbox One, elle est pas allumée depuis peut-être 2 mois là, pour te dire. Bah voilà. Moi, donc, si je compare, je joue plus souvent à ma Super Famicom ou ma. Je te l'avais dit, Nico. Excuse-moi, Vianney. Nico, je t'avais prévenu. Hein. Ah ouais. Ah bah j'ai parti une console à la maison, sortie télé les mecs, alors on peut parler, hein. Vas-y. C'est là que je joue plus souvent à tout ça qu'à la PS4. Ouais. Ah mais voilà, mais c'est ça. Parce que je vois moins d'intérêt sur la PS4. Surtout que il y a un truc qui m'énerve beaucoup d'ailleurs quand on me parle de la future Xbox, de la PS5, tout ça, c'est que les annonces de sortie, c'est les mêmes annonces que j'entends, comme je disais tout à l'heure. La physique de balle. ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait. Sur Xbox 360, on t'a annoncé quoi ? Elle va être super puissante. La PS3, elle va être puissante. Mais ça veut rien dire, en fait. Hein. C'est ça ? À chaque fois, on ne te parle que de la puissance. Encore heureux qu'elle est puissante, moi, merde. Moi, je parle du gameplay, de réinventer de la façon de jouer. Alors, que de la puissance. Moi, je joue pas un jeu vidéo pour que ça ressemble à la vie réelle, les graphismes. Je joue pour m'évader. Voilà, faut que le jeu soit bon, quoi. Je vais dans le métro, c'est bon, j'y suis. Tu veux pas jouer aux Sims, coronavirus ? Ça te dit pas ? Ah, putain, non. Putain, je jouais aussi quand j'avais 11 ans sur PS1. Voilà. PS2, pardon. Ah, mais on est, de toute façon, la première chose de la pauvreté. Ouais, mais la pauvreté d'une conférence, tu la décryptes rapidement chez Sony. Parce que, premièrement, ils n'ont pas le hardware qui présente logiquement quand ils présentent une nouvelle console. Ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre dedans. Il n'y a pas de design. La Mega Drive, pourquoi elle a marché ? Design, hardware. C'est des clés toutes simples à mettre en place. Sony les met pas en place. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont faire un truc équivalent à ce que le fait le PC aujourd'hui. Ça les intéresse pas de parler aux consommateurs de ce qu'ils vont mettre dedans. Et c'est les jeux qui vont faire la console aujourd'hui. C'est même plus. Ouais. Mais ils ont quand même, à mon avis, un gros concurrent qui risque d'arriver. Ouais, ils en avaient parlé il y a quelques mois. C'était SNK qui a prévu de faire une Neo Geo 2. Ah, ça me dirait ça. Avec des nouveaux jeux et en 2D. Ils prennent ce pari-là. Ah ouais. Ils ont parlé il y a quelques mois. Ouais. Alors on ne sait pas pour quand, mais SNK l'a annoncé. Ça sera un format comment ? Cartouche ou... Cartouche. Ça sera un format cartouche et des jeux 2D. Ouais. Ça sera Neo Geo. Ils ont parlé il y a quelques mois, SNK. Depuis, j'en ai pas réentendu parler. Donc je me dis, ça pourrait être justement, de les prendre à contre-courant comme ça pourrait être pas con. Ce serait couillu quand même de faire ça et que ça marche. Mais ça pourrait très bien marcher de toute façon. Les trentenaires, je te dis, on va tous acheter à mon avis. Ah bah ça c'est obligé de toute façon. Là ils vont prouver leur public. Mais je pense que tout le monde, tous les trentenaires pratiquement. Tous les trentenaires, et puis si les gamins ils accrochent vraiment, parce que tu sais, un jeu 2D ça peut toujours plaire de toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir des. Ah bah oui. J'adore ça. Voilà. Enfin c'est bourrin, c'est voilà, mais c'est sûr. SNK a fait des jeux que personne d'autre ont réussi à faire. L'arcade à la maison. Voilà. C'est non, ça. Mais il faut qu'il fasse un format en cartouche SSD comme la Switch. Et à ce moment-là, tu proposes des accessoires, voilà, une plus grosse capacité. Et il faut qu'ils attirent des éditeurs tiers pour faire des jeux chez eux également. Alors je dis pas qu'ils vont attirer des gens comme Electronic Arts ou quoi, parce que c'est pas forcément leur public, je pense. Pour SNK, c'est plus de l'arcade, des jeux de course de voiture, des jeux de combat, beaucoup. Voilà. Peut-être donc, de l'aventure. Namco et Capcom, ils peuvent, hein. Oui, et puis voilà, du petit RPG. Du Street Fighter et du Tekken dessus, ce serait pas impossible. Ouais, ça pourra attirer une certaine catégorie de personnes. Quand tu vois que la Switch n'a pas de GTA, par exemple, ils s'en sortent très bien, là, Nintendo sans GTA, ils n'ont pas besoin. Bien sûr. Pourquoi SNK s'en sortirait pas sans les gros AAA de chez Electronic Arts qui... Alors eux, c'est le poison de la génération d'aujourd'hui, ça, Electronic Arts. C'est limite la console qui va sortir, la prochaine, la PS5, tu pourras l'appeler la console Electronic Arts, tu pourras l'appeler, s'il n'y a pas de Call of Duty, Et même les Call of Duty, quoi, en fait, c'est le même qu'avant, c'est le même moteur, ils ont juste changé les maps et les skins. Voilà. C'est ça. Rien que ça, ça fait pleurer. La dernière fois que j'ai aimé un Call of Duty, c'était ceux qui se passaient avec des armes à l'ancienne contre les Allemands, tu vois. C'est là le Call of Duty débarquement. Modern Warfare 2, c'était pas mal, ouais. Ouais, non, mais c'est même pas. Moi, c'était bien avant, moi, celui qu'il y avait sur la PS1, là. Où t'étais. La guerre mondiale, là. Medal of Honor. C'est ça. Ouais. En route. Le Medal of Honor, c'est autre chose, ça, c'était bien aussi. C'était très, très bon. Ouais, ça fait pour papier, s'il vous plaît. Oui, bah tu sais, c'est ces jeux-là, hein, à l'époque, hein, tu pouvais les avoir sur PC aussi également, hein, avec les cartes graphiques de l'époque. Voilà, t'avais les mêmes, hein, Medal of Honor au Japon et je ne sais où, là, la gare Pearl Harbor, tout ça, il y avait tous ces jeux-là déjà sur PC, hein, avec des cartes graphiques, même Tomb Raider, hein, tu pouvais y jouer. Tomb Raider, moi j'ai d'abord joué sur PC avant de jouer sur PS1. Hein. Oui, voilà. Même en France. D'abord sorti sur PC. Et je veux dire, l'époque PS1 où tu avais cette concurrence PC, c'est pas qu'elle était saine, mais tu avais beaucoup plus de variété dans les jeux. Aujourd'hui, tu achètes une PS4 pour jouer à quoi ? Bah, pour jouer à GTA et aux jeux Electronic Arts, c'est Call of Duty. Y a rien c'est d'autre ça. Pratiquement. Ouais. C'est une cata cette console. Ouais, c'est toujours le même style. Regarde le catalogue maintenant qu'il y a, tu vas regarder un petit peu partout là, même tu vas beaucoup sur. De FPS. Voilà, beaucoup trop de FPS. Tu vas sur le Xbox Live ou sur le. PS Store. Le PS Store, tu regardes les jeux qui actuellement, bah franchement, ça fait pas rêver du tout. Non. Ça, t'as pas envie d'en acheter, hein. Ou alors du Battle Royale, y a que ça aussi. Ouais, oui, voir ça. Bah, les Quake-like, c'est assez horrible, hein, ça, franchement. Ah, moi, j'aimais bien le vrai Quake était bien. Ah, bah, le. Je sais pas, hein. Tu y as rejoué récemment, hein. Parce qu'il y a mes t'as même moi, je parle de Quake 3, hein. Ah, mais même le 3, le 2, le 6, le 23. Ah, le 3, j'avais bien. Ouais, ça a très mal vieilli, je peux t'assurer que. C'est très basique, en fait. C'est surtout ça, quoi, tu vois. Rien ne vaudra Ragnet Crampage. Je sais pas si vous connaissez. Si je tirais un Half-Life 2, tu dirais pas non. Ouais. Half-Life 2, alors Half-Life 2 remake. Ah, tu dirais pas non, au lieu de me le dire, tu dirais non. Ah non, non, mais c'est ça, c'est comme Final Fantasy VII, ouais. Tu fais un Half-Life 2 en remake, il y a tous les consommateurs qui vont l'acheter. En remake, Half-Life 2. Bah, en remake. Non, mais tu fais un remake aujourd'hui, remaster. C'est la suite que tout le monde attend d'Half-Life. Ouais, mais d'abord tu fais un remake parce que le jeu est. Ouais, pour faire. pour que les jeunes puissent découvrir le truc, quoi. Tu vois, pour faire plus d'argent, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que j'attends, c'est le remake de Léa Passion Vétérinaire. Dès qu'ils feront ça, ouais. Moi, c'est bon. Non, ouais. Ah, il y a les ch'tis à Miami aussi, hein, bientôt. Ah, non, ah oui, le remake. Ouais, ça pourra sortir en démat, même en CD normal, ils me trouveront pas. Hein. Non, mais pour plus ou moins. Je crois qu'ils ont fait un jeu une fois en plus sur DS. C'est ça. Il me semble qu'il y a un jeu sur DS Secret Story, un truc comme ça, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oh là là là là. Ah, je serais pas la étonné. La télépoubelle, le jeu poubelle, on en revient au même. Hein. Ah, la DS, qu'est-ce qu'elle a pu être aussi, celle-là elle a pu être super, hackée. Voilà, là. Avec les cartes, les cartes. Les cartes 4. 3DS. Les cartes RS, là, 3 ouais, RS, R4, c'était, je crois. Les R4 Gold, voilà, le micro SD. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, les consoles 16 bits étaient plus axées jeux de plateforme, c'est vrai qu'ils se ressemblaient beaucoup. Mais en même temps, il y avait des jeux de sport déjà, il y avait des RPG, ce qu'on retrouve pratiquement plus aujourd'hui. Final Fantasy VII, aujourd'hui en remake, c'est un ovni, et c'est un remake, c'est même pas un jeu indépendant. C'est très rare les jeux comme ça aujourd'hui sur les consoles modernes. Moi, les RPG sur les 16 bits, il y a quand même des sacrées bonnes. Je suis pas du tout fan de Tiger, RPG. Il y avait Gold Tiger. Aussi. Soleil, non, Soleil, ouais, son Mega Drive. Soleil, ouais. Legend of Thor, ouais, Sun, ouais, qui était vachement bien. Ouais, la légende de Thor sur Mega Drive qui est super. Oui, aussi, bah, ouais. Vraiment, c'est... Vandal Hearts aussi que j'avais bien aimé. Les Phantasy Star aussi, malheureusement, ils sont plus ou moins japonais ou en américain. Ah, les premiers. Bien. Ouais. Les Secret of Mana. Dragon Quest, moi c'est Dragon Quest, je suis un gros fan de cette licence. Et c'était énorme. Ah oui, ils sont énormes. Et les personnages, caractère design par Toriyama, quoi. C'est ça que Mystic moi je Quest. Comprends pas. Les Mystic Quest, ouais, c'est voilà. Moi, c'est sur Game Boy, c'est Final Fantasy 3, c'est ça, hein, Vianney, hein, Mystic Quest, je crois. Oui. Ouais. Les créateurs de jeux sur la PS4, ils se contentent du facile et seulement des DLC. Ah, les genres de jeux existants, ouais. Ils vont pas inventer une nouvelle catégorie. Ouais, c'est quand même incroyable. À l'époque, ils pouvaient te sortir Paperboy sur NES. Attends, on te dirait, maintenant, fais-nous un jeu vidéo où on livre les journaux. Le mec, il va pas réussir à trouver une idée, hein. Non. Tu sors un truc tout con, je sais pas, fais-nous un jeu avec un plombier. Vas-y, démerde-toi. Tu nous fais quoi? Je sais pas, un FPS? C'est ça. Oh, on a trop fait des FPS. Bon, alors un Battle Royale. Non, mais invente-moi un nouveau genre de jeu. Il y a plus de surprises. Rappelez-vous de Parapaz the Rapper, par exemple. Parapaz the Rapper, oh, c'est un ovni, rigolo. Ce jeu. C'est un ovni, ce jeu, quoi. Voilà, et ça, c'est un jeu énorme. Voilà. Et il était fantastique, quoi. Ouais. Avec les personnages en carton. C'est ça. Bah, va donc trouver des trucs comme ça. Des jeux de réflexion comme Shaun the Sheep, une fin de loup qu'il y avait sur la première PlayStation avec tu jouais le coyote où tu devais shipper des moutons et trucs comme ça. C'était très cartoon, mais c'était des. Ah ouais, bah si t'as l'occasion de le trouver, une fin de loup, il est super marrant ce jeu-là, quoi. C'est très réflexion, c'est très cartoon. Tu joues le coyote et tu dois piquer des moutons sans te faire taper par le chien de berger qu'il y a dans les Looney Tunes, là, tu sais. Ça, c'est vachement marrant. Mais c'est génial, c'est vraiment génial comme jeu. Et des jeux comme ça, ça n'existe plus. Je sais même pas si ça pourrait intéresser quelqu'un. Maintenant, faut que ce soit des espèces de bourrins. Voilà, c'est ça. Une question sur la situation aussi des différents constructeurs avec Nintendo, Sony et puis Xbox d'un autre côté. On voit clairement que Nintendo n'en a pratiquement rien à faire de ce que fait Sony et puis Microsoft. Ils ont leur cheval de bataille. Ils font les choses de leur côté. Ils avancent. Ils avancent pas forcément non plus avec la technologie actuelle. Ils sont pas en plus les autres, contrairement à Sony et Microsoft. Et c'est peut-être là la raison de Nintendo pour moi. Clairement. Ouais. Et moi je pense qu'il y a que qui peuvent sauver entre guillemets la console de salon. Les deux autres poules, en tradition. Ils vont tout gratter. Parce que malheureusement Microsoft et Sony, bah ils sont partis dans un délire de super puissance, la bataille celui qui aura la plus grosse, voilà, à la fin de la sortie pour la console. On nous parle de teraflop alors qu'on sait très bien que par exemple la Xbox 360 et la PS2, bah c'était pas forcément les mêmes capacités, et puis finalement avec la PS3 qui est arrivée entre temps juste après, et ben Sony s'en est bien sorti aussi, Nintendo s'en sort bien aujourd'hui. C'est vraiment la qualité des jeux, et je pense que Sony n'a pas compris ça. Xbox, eux, ils s'en foutent un peu, ils ont le marché du PC avec eux aussi, donc... Voilà. Mais est-ce que Sony ne viendrait pas à disparaître à un moment donné du marché des consoles? Après, Sony... Alors que du marché des consoles, parce qu'ils font pas que ça, à la base, ils faisaient pas ça. Ouais. Donc ils ont aussi quand même encore les télés, les lecteurs, les Shinifi, les Home Cinema, t'inquiète pas, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Parce que consoles, c'était pas du tout leur priorité à la base. Oui, c'était pas leur priorité. À la base, c'était les télés Sony qui étaient très réputés, d'ailleurs, les télés, les Camexcopes, à la base. Mais moi, cette histoire, ça me rappelle un peu quand même l'histoire de Sega, à la base, qui avait énormément de succès. C'est-à-dire que Sega avait énormément de marge à un moment donné avec tout le pouvoir financier. On a vu que Nintendo les a dépassés largement ensuite. Et ils ont coulé avec la... Ils ont fait des erreurs de console, Dreamcast, etc. La Saturn. La Dreamcast, elle était. Pour moi, je comprendrais jamais son flop. C'est les éditeurs. C'était de l'arcade à la maison, comme une Neo Geo pour moi. Oui, mais c'est les éditeurs qui sont pas venus chez eux, c'est tout. Ils ont pas réussi à recruter Electronic Arts. C'est vraiment dommage parce que quand tu joues à un Power Stone, quand tu joues à un Sonic Adventure, quand tu joues à un Crazy Taxi ou Save the Dead, il y avait vraiment du lourd, quoi, en fait. Ouais. Mais voilà ce que je voulais dire, c'est que ce qui est annonciateur d'un mauvais signe, je trouve, hein, pour Sony, c'est qu'ils n'ont pas de concept. Il y a eu deux conférences où ils ont pu présenter la console, ils n'ont rien fait. C'est quand même mauvais signe, je trouve, moi. C'est pas dans l'habitude d'un constructeur de rien présenter au public. Même la Nintendo 64, quand ils ont présenté l'Ultra 64. La démo technique. Voilà, il y avait un design, il y avait une manette. Non, mais même, t'avais un trailer, quoi. La GameCube. T'avais un trailer d'un combat Link Ganondorf pour te montrer les capacités. À l'époque, tout le monde a cru à une suite à Ocarina of Time. Hein. Mmh. On s'est tous fait niquer la gueule. Au final, c'est juste un trailer des capacités de la console. Ouais. La PS1, Sony à l'époque, avait montré un tyrannosaure plus vrai que nature en 3D. Oui, il a remonté aussi. Ils ne montrent rien. Ouais. Parce qu'ils n'ont rien à montrer, ouais, clairement. Ouais. Je le dis honnêtement, ils n'ont rien à montrer. C'est ça. Et je trouve qu'il y a un manque de respect. Ça va rien apporter de nouveau. C'est ça. Ils vont te maquiller le truc pour te dire si c'est différent de PC parce que t'as l'autocollant Sony dessus. Et voilà. Pour moi, c'est ça. Je suis désolé. C'est de l'emballage, c'est tout. Donc voilà, s'il n'y a pas une exclusivité à la marque, clairement, non, je l'achète pas. Ouais. Et je pense pas que... sur PC, genre les mêmes jeux. Ouais, ouais. Mais vous voyez, on est en train de parler de ça entre nous, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Hein. Parce que, sincèrement, comme on a dit hein, dans l'émission, c'est-à-dire qu'au niveau du prix du démat, au niveau du prix de la console qui sera pas assez grosse au niveau du de la mémoire pour mettre plus de jeux que 4 ou 5 jeux maximum, et pourtant, entre parenthèses, 500 balles. Hein. Déjà, voilà, déjà 500 entre nous, euros. Pour 3-4 jeux seulement dedans, 500 balles. Ouais, il y a beaucoup de parents qui payent une console 500 euros à leurs enfants. Il y a déjà tous les gamins en moins, enfin une bonne partie à mon avis. Ouais. Puis même niveau adulte, quand le mec il aura acheté 3-4 disques durs à 500 balles de disque dur, il va vite se lasser d'acheter des jeux. Mal. Et là, mais t'imagines celui qui achète ça Day One, il rentre chez lui, il branche tout, il a la manette en main, il commence à jouer, il dit putain, qu'est-ce que je viens de faire ? Mise à jour ! Bah ouais, enfin, déjà, il... Non, non, il a 48 heures ! T'as le ROD comme il y avait eu avec la Xbox 360. Oui. Ou le Yellow Dight qu'il y avait eu sur la PS3. Je ferais plus la connerie d'acheter la console le jour même de la sortie, parce que franchement, déjà, t'as un catalogue de merde. Voilà. Il y a pas de jeu, déjà. Il y a même pas de jeu. Voilà. Non, mais les parents vont dire, t'as déjà un PC. Bon, ces jeux-là, ils sont sur PC ? Oui. Eh ben, écoute, prends-les sur PC, on te les offre, voilà. Mais pas sur console. Parce que la console, c'est 500 balles. mais vous savez, hein, quand on analyse encore une fois la conférence de Sony, la seule raison pour laquelle ils annoncent Gran Turismo, parce que c'est une exclu Sony, et c'est le seul jeu qui pourrait faire acheter à un joueur la console. Et si on s'en remet à Gran Turismo, qui est depuis... Il était très décevant, les précédents, voilà, Gran Turismo. Qui a disparu, c'est une licence qui est morte. Les derniers, pour moi, n'étaient pas des vrais Gran Turismo. Ouais, c'est une licence morte, hein, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez. Non, non. Le 6 et le 5, non. Quand tu vois déjà Ridge Racer sur la PS3, ça a été un flop. Dans le futur, autant avoir un bon PC, tu seras moins perdant que d'avoir une console. Au moins, tu peux t'acheter un bon écran et puis être tranquille sur une bonne table. Enfin, voilà, avoir une bonne chaise gaming que d'avoir un petit machin qui ressemble à rien du tout, une console qui ressemble à un vieux disque dur ou un... Un plug-in-out, comme t'as dit tout à l'heure. La manette, on l'a branchée pareil au PC. Hein. Voilà, donc, de toute façon... PS4 et Xbox One, elles sont compatibles Mac et PC. Hein. Mm. Quand tu les merdes pour trouver les firmware. Donc, Non, mais on a l'exemple tout simple de la Stadia, qui est une console 100% démat, avec une manette démat aussi. Ah, de Google C'est l'exemple même du futur qui ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est... Le Nvidia Shield aussi. Bah écoutez, merci d'avoir participé à ce podcast. Hein. Merci à toi, Vianney. Ah bah en DLC ça fera 500 euros. Hein. D'accord. Bah, j'ai pas la fibre, je peux pas t'envoyer quoi que ce soit. En DLC, hein, bien précisé. Hein. Ouais. Ouais. Moi non plus, j'ai pas la fibre. Ça me fait peur. Ça porte bien son nom. Hein. Je précise, grande ville. Ça porte bien son nom DLC, hein, dans le cul, hein, ça veut dire, hein, tout simplement. Exactement. Hein. Oh putain, Carole Quinten. Carole Quinten. Ouais, c'est ça. Un bordel. Je sais pas si elle s'en est remis de son histoire de DLC, elle, parce que putain, on la voit plus trop. Hein. Quand j'avais dit que c'était une streameuse et pas une influenceuse ni une journaliste, elle fait que du stream maintenant. Là. Son émission s'appelle le blabla du jeu vidéo. Ah ouais. Elle stream. C'est qui ? Je connais même pas. Non, mais excuse-moi. Alors je veux pas te déranger avec cette personne. Ah, ok, pas intéressant. Elle te fait croire qu'elle connaît les choses. Elle connaît que d'elle en fait. Moi, le pire, c'était son émission sur le rétro gaming, quoi. Ouais. Rappelle, elle avait fait une émission, elle était invitée, il y avait d'autres gars avec, en débat, mais elle racontait que des conneries. Ouais, ouais. Conneries, quoi. Ah, faut que je le laisse, ce passage, il est mythique. C'est qui, Carole Quintet? Non, mais tu sais... Non, mais je me revenais pas en tête. Mais ouais. Non, mais Vianney, je te jure, c'est... je pense que... Ah, je connais pas ces youtubeurs-là, je connais ceux qui font du jeu vidéo, en des fait. Des trucs, c'était... Pour moi, c'est... Ah, cette punchline, elle est géniale. Si ça se trouve, ils sont très gentils dans la vraie vie, hein, mais pour moi, c'est pas ça. Sûrement. C'est pas des joueurs. Ah, mais t'avais raison, Nico. Moi je suis comme toi, hein. Ça avait commencé, cette histoire, au moment où, tu sais, elle avait... Elle avait commencé à faire un débat en parlant des jeux auxquels elle avait joué quand elle était petite, mais tu vois qu'elle inventait tout en fait. Elle jouait pas. Elle a jamais joué à ces jeux-là. Dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup de filles qui jouaient. Hein. Dans mon école, il n'y en avait pas. 90 même, 90. 90. Avant, je regardais ce qu'elle faisait. Plus tard, ils sont mis à jouer. Si, ma petite sœur commençait à jouer avec moi après, mais pas longtemps. Ouais. Hein. Ouais. Mais tu vois, avant, je regardais un peu ce qu'elle faisait. Je disais, ouais, pourquoi pas. J'ai dit, ça peut être sympa. Bon. Mais alors, dès qu'elle a fait ce truc-là, moi, j'ai dit, elle est pas crédible du tout, quoi. Non. Bah, c'est là où je me suis dit, les mecs, en fait, ils regardent la vidéo juste parce que c'est une femme, en fait. Ben voilà. Si une fille est très maquillée, ça passera crème. Ouais. C'est ça. Et après, tu feras en mode, ah bah arrêtez de vous en prendre à moi et ça passera, oh la pauvre. Ouais, mais. Moi, je suis l'ennemi public numéro 1, je suis un homme. Voilà, je suis blanc et en plus, je suis hétéro, tu vois, donc je suis l'ennemi public numéro 1 trois fois. Non, mais ça, c'est une bonne excuse, hein, tu sais. Voilà. Quand t'es mauvais, tu fais une mauvaise émission, tu dis, ouais, bah c'est parce que t'es une femme, tu me critiques. Voilà, je suis un mec, c'est pour ça, et tu fais l'inverse quand t'es une femme. C'est super, hein. Non, mais si t'as pas une carte bonus, en fait, finalement, tu peux pas t'en sortir. Ouais. Il faut une carte bonus, faut trouver un truc. C'est ouais. Julien Chiez, la carte bonus, qui la défend. C'est, voilà, quoi. Mais bon, c'est, on va dire que c'est... Hey, ça, c'est... Qui lui-même a été apatrié grâce à jeuxvideo.com. Ouais. Voilà, et encore, jeuxvideo.com droit à leur renommée qu'à l'achat d'un nom de domaine, finalement. Hein. Ouais. Qu'à la base, jeuxvideo.com, c'était pas du tout ce site-là, c'était un site jaune. Bon. Avec une mascotte qui était une elfe aux cheveux verts, c'est des adolescents qui le tenaient. Ah, et oui, plus tard, tu as acheté le nom. Ah oui, moi je me rappelle du vrai jeu vidéo.com. Ah bah oui, avant, ouais, avec les Javs, c'était tu t'avais toute la bibliothèque des cheats. Ah, des cheats. Non, des ouais. Cheats. Ouais, des cheat codes. Ouais. T'avais une bibliothèque avec tous les jeux. Voilà. C'est ça. Ouais. Moi je l'ai connu, avec l'arrivée d'Internet. Leur mascotte qui était une fille elfe avec les cheveux verts. Ah, ouais. Je me rappelle encore de ça. J'étais installé sur Aurillac, les gars. Ah ouais, puis après, t'as Webedia arrivé plus tard, et puis ça a foutu une merde pas possible. Et puis là, maintenant, ce n'est que l'ombre de ce qu'on a connu. Quoi. Ah, bah, de toute façon, jeuxvideo.com, j'y vais plus. Hein. Je pense que quand ils testent un jeu. Gamins, t'as que des gamins dedans. Ils jouent pas au jeu quand ils les testent déjà, donc. Ouais, déjà. Ils posent des questions parfois. Déjà. Ils n'ont pas eu un petit chèque avant, ils auront une mauvaise note. Hein. Voilà. Mais vous savez, hein, les anciens magazines, hein, malheureusement, les journalistes que vous voyez sur YouTube aujourd'hui, dont Chiez ou AHL, ces gens-là étaient dans les magazines avant de jeux vidéo et Console Plus, Tilt, etc. Et ils faisaient déjà des tests vendus. Hein, et ça, c'était révélé. Hein, c'est-à-dire que les éditeurs, s'ils voulaient paraître dans la presse à l'époque, ils envoyaient le jeu en avance. Ça permettait aux testeurs de tester le jeu, mais aussi... En contrepartie, si ensuite ils voulaient recevoir d'autres jeux, etc., il y avait des échanges financiers. Il y avait des pots de vin. Mmh. Donc, et souvent, les gens qui n'étaient pas dans les magazines, ou que le jeu n'était pas reçu, eh ben, ils avaient des sales notes. Ah, les notes, la vache. Et il y a les gars, c'est un truc hallucinant. Hein. Il y a Batman et Robin sur Mega Drive. Ouais. Batman et Robin sur Mega Drive. Il y a Street of Rage 1 sur Mega Drive aussi qui ont eu des sales notes. Hein. Dans certains magazines, c'est assez hallucinant. C'est dingue. Street of Rage, pourtant même le 1 était bon. Hein. Et, alors je sais plus quel magazine j'ai feuilleté l'autre jour. Je crois que c'était le premier Console Plus. Il y a même un le premier Smash 4 qui est en développement actuellement. Oui, ça. Bon, après, il y a un très bon jeu là. Ah, c'est... il a l'air pas mal. Là. Ouais, mais là, par exemple, tu vois, il y a un jeu, franchement, il a l'air mieux que ce Street of Rage 4, c'est The Takeover, là. Je sais si vous connaissez. Je connais pas. Ouais. Allez voir The Takeover, genre Beat Them Up. Vous allez voir, téléchargez-le gratos. C'est un super jeu. Mieux que Street of Rage encore. Bon, merci les gars d'avoir participé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec vous ou avec d'autres collègues pour discuter jeux vidéo. Salut Vianney! Salut. Salut Nico. À bientôt. Salut. Et si je peux rajouter un grand merci à tous les auditeurs. On est premier du classement sur Podcloud grâce à l'émission. Ouais. Donc, classement jeux vidéo, et il doit y avoir au moins 200 participants. Donc, on est les premiers. Donc, merci à tous de nous écouter aussi nombreux.